présage de sa mort. Cependant, des prodiges manifestes annoncèrent à César le meurtre qui allait avoir lieu. Quelques mois auparavant, les colons conduits à Capoue, en vertu de la loi Julia, voulant bâtir des maisons de campagne, détruisirent des tombeaux très anciens, et avec d'autant plus d'empressement qu'ils découvraient, en les explorant, une quantité de vases d'un travail ancien. Ils trouvèrent dans un tombeau, où était, dit-on, enseveli Capis, fondateur de Capoue, une tablette de bronze qui portait en caractère grec et dans cette langue une inscription ainsi conçue. « Quand on aura découvert les ossements de Capis, un descendant d'Iule périra de la main de ses proches et sera bientôt vengé par les malheurs de l'Italie. » Pour qu'on ne croie pas que c'est là une fable inventée à plaisir, je citerai mon autorité, Cornelius Balbus, un ami très intime de César. Quelques jours avant sa mort, ce dernier apprit que les troupes de chevaux qu'il avait consacrées aux dieux avant de passer le Rubicon et qu'il avait laissé errer sans maître refusaient toute espèce de nourriture et versaient d'abondantes larmes. De son côté, la ruspice Spurina l'avertit pendant un sacrifice de prendre garde à un danger qui le menacerait jusqu'aux ides de mars. La veille de ces mêmes ides, un roitelet qui se dirigeait, portant une petite branche de laurier vers la curie de Pompée, fut poursuivi et mis en pièces par des oiseaux de différentes espèces sortis d'un bois voisin. Enfin, la nuit qui précéda le jour du meurtre, il lui sembla pendant son sommeil qu'il volait au-dessus des nuages, et une autre fois qu'il mettait sa main dans celle de Jupiter. Sa femme, Calpurnie, rêva aussi que le faîte de sa maison s'écroulait, et qu'on perçait de coups son époux dans ses bras, et les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement d'elles-mêmes. Tous ces présages, et le mauvais état de sa santé, le firent hésiter longtemps, s'il ne resterait pas chez lui, et ne remettrait pas, à un autre jour, ce qu'il avait à proposer au Sénat. Mais Decimus Brutus l'ayant exhorté à ne pas faire attendre en vain les sénateurs, qui étaient réunis en grand nombre et depuis longtemps, il sortit vers la cinquième heure. Sur son chemin, un inconnu lui présentait un mémoire, où était dévoilée toute la conjuration. César le prit et le mêla avec d'autres qu'il tenait dans sa main gauche, comme pour les lire bientôt. Plusieurs victimes, qu'on immola ensuite, ne donnèrent que des signes défavorables. Mais bravant ses scrupules religieux, il entra dans le Sénat et dit en raillant à Spurina qu'il s'inscrivait en faux contre ses prédictions, puisque les ides de mars étaient venues sans amener aucun malheur. « Oui, répondit la ruspice, elles sont venues, mais ne sont pas encore passées. »